stand alone and a fall. Now watch falls. Si tu cherches un peu de gaieté, viens donc faire un tour à l'ambé. Putain, j'en ai marre de clipper. Yeah.